Ouais. Mal au poignet, hein. Ça passe pas. Je peux tricher avec un capot, non? Je rêvais d'un autre monde.